quelques mots. Lâchez quelques mots pour le peuple. Quelques mots, quelques mots. On va lâcher quelques mots. Lâcher quelques mots, je le fais. Lâcher quelques mots. Quand la musique m'emporte, je le fais. Je transporte, elle me fait de l'effet. Bien sûr, refrain. On est loin d'être au frais. Tout est vrai. Tout est vrai même dans mes mensonges. Dans mes songes, dans mes rêves, je te transporte. Je me mens à moi-même, mais quand j'ouvre des portes, yo, je me promène dans mes chemins de bohème. Et je fais des poèmes, bien sûr. Tout est vrai. Je me tue tous les jours de l'année hivernale. Même en été je me fume, ouais. Je me bute, hey. La thune, j'en ai rien à foutre. C'est une pute, c'est celle qui détruit la conversation. Quand je me nuis, c'est que je me pose question. Mais je m'enfuis et je reviens juste après. Je te l'ai dit dans ce que je dis. Tout est vrai. Quand les langues se mélangent, c'est comme des putains de bisous, ça mélange. Mais les anges sont perdus entre nous. Je me dérange quand ça me démange et que je me perds dans mes songes. Ouais, j'ai dit. son nom c'est Chino. Comme mon canapé, j'habite un coin tranquille que le temps a rattrapé. Bonsoir, bonjour, je suis très poli. J'en ai trop dit, mais ce soir, non, j'ai vomi tout ce que j'avais comme faux dents que je vais omis. J'apprécie l'effort. J'ai des nouveaux moyens de chiller. Fini la fufu. Ça me rend meilleur quand je rappe sans fil et j'ai une vraie femme. Pas une petite miss à tutu. Je fais toujours des yeux de crise. Dis à la mumu, pisse à mes vraies femmes. Wesh les gars, ça se passe comment? Ça se marre combien? J'espère que vers chez vous ça se maille. Au moins autant que sur la pochette. Je suis sûr ça lâche des gros checks. Juste avant que ça se taille, je le sais. Car je le fais aussi, pas de sourcils français. Si c'est le cas, je me tais. Bilbo Bags est frais, je vous le dis et je le referai. S'il faut canner les soucis entre refrais, je garde le sourire. Yeah. Au beau milieu du visage, juste un sourire. Avant de partir, c'est ça que je veux que tu gardes comme image. Le sourire. Au beau milieu du visage, juste un sourire. Tellement je smile, des fois ça surprend. Comme si le temps avait une faille, tout à coup l'instant se suspend. T'en oublies les jours où tu brailles, puis tous tes nerfs s'enjaillent. C'est comme une bouffée d'air que tu te prends, même quand ça caille. J'ai la bonne attitude, j'ai forgé cette habitude. Et depuis j'essaie de faire ça tout le temps. De toute façon j'ai testé d'autres bails. Le dégoût, la colère, c'est die. Y'a que sourire qui m'aille. Demande à Léon, il m'a vu moche quand j'allais mal. Mes rêves sont plus des mioches, c'est ça qui tue pour mes proches. Gratitude dans mes poches, faut voir les mailles pour que je les emmène voir toutes les attitudes. Big picture quand je me réveille et je me dis qu'on est que des petits tricheurs. Il faut qu'on se révèle, j'ai toujours été rebelle comme Danny. Si t'es un ami, fous-moi sur tatami le jour où je sors un clip hipster sans le sourire. Au beau milieu du visage, juste un sourire. Avant de partir, c'est ça que je veux que tu gardes comme image. Un sourire. Au beau milieu du visage, juste un sourire. Bien sûr. T'aimes mon style, j'aime mon stylo. J'suis amoureux de ma mine. J'fais ça pour l'amour de la rime. J'suis en vrai de vrai. De vrai, l'info de vrai. Passer, c'est pas pour de faux, pas pour de la frime. Souviens-toi, gamin, pars demain dans la main. Fais pas le malin quand y'a le maître. On aura le temps demain pour se prendre la tête. L'été, le temps s'arrête. On pense à rien, moi, toute l'année, j'prends ça bien. L'été, c'est dans la tête. Enrage moins. Mes textes, c'est la frappe. J'ai la bonne. Pour les bons tracks, j'ai trouvé la boîte secrète. J'écris même plus du rap, j'ai la boire. Au bord d'un lac, tu veux ta dose, faut que j'aille nager d'abord. Avec le sourire. Au milieu du visage, juste un sourire. Je veux que tu gardes comme image. Tu vois la flotte de sourire. Hey. On fait ça pour le jam, comme d'hab. On fait ça posé. On fait ça tranquille, suffit d'oser. Suffit de doser comme il faut. En espérant que ça puisse durer le plus longtemps possible. Je lui dois ma daronne, donc ma vie, elle et moi, on est bien plus liés que tout ton possible. On est potes, on est complices. Tu peux pas vraiment tester. On est fort, t'as tout compris. Fois qu'une chanson triste, c'est une déclaration de respect. Tu peux demander à Vonvon, tu peux demander à Kizou. Même quand j'étais complètement fonfon, elle m'a toujours traité comme un bijou. Parce qu'elle est cool comme un collègue qu'aurait capté en s'en battant les couilles. Comment connaître la paix, elle s'en tape même qu'on roule tant qu'on est honnête. Elle a toujours été rusée, amusante, réalisée. Pourtant je connais pas plus clean, abusé. Comment j'aurais pas misé sur WAM si à 13 ans je musais à l'usine. Tu peux demander à Maurice, tu peux demander à Ben. Elle mériterait qu'on la noblisse. Vos mamies trop lisses arrivent même pas au dentier de la mienne. Si tu parles mal sur elle, je vais te pendre par les pieds et foutre ton nom après Sigi. Faudrait une statue à son effigie ou son visage sur des billets. Yeah. Et le jour où va sonner le glas où elle va redonner sa vie aux anges, un peu serré ton cœur sera. Si tu connais mamie Solange, alors la vie de ma mamie vaut deux avis. Et même la vie de ma mamie vaut deux vies. Ma mamie vaut deux mamies. La vraie resta c'est mamie. Ma besta c'est mamie. La plus gangsta c'est mamie. Mamie. La vie de ma mamie vaut deux avis. Et même la vie de ma mamie vaut deux vies. Ma mamie vaut deux mamies. J'te dis la gangsta c'est mamie. La vraie resta c'est mamie. Ma besta c'est pas dur d'être à l'heure. T'en rassures ton Uber en retard d'une moitié de minute. Les mains moites, on t'attend en boîte. Et toi tu te vois déjà contester la facture. Tu vas laisser un sale avis avec très peu d'étoiles. La différence entre mamie et toi. Vois-tu, c'est que dans son enfance y avait que les riches qui avaient une voiture. Pas télé, pas téléphone. Et toi t'es en stress pour du wifi. Comment veux-tu qu'elle capte en étant née avant la FM? Pourquoi sans cesse tu vérifies? Quoi que t'aies vécu, c'était l'époque. Mais le monde change et se modifie. Tout s'amplifie, mamie a même pas appelé les cops. Alors que ce mec au volant m'a t'es bien là, télé sur le téléphone. La mort peut toujours venir me chercher. Elle peut pas m'attraper, je suis perché. Mamie m'a transmis la force de vie, je vais pas me cacher. Je vais me tordre de rire et me foutre de sa gueule. J'en souris un peu, t'as l'air fâché. T'es venu en métro ou t'as marché? Dans tous les cas, t'as eu peur de venir. Trouve-toi quelqu'un d'autre à faire chier. Sur ma vie, que du love sur ma mamie. Pour tout le love qu'elle a mis sur ma vie et sur celle de certains de mes amis. Cherche pas midi pile à l'admi. Si j'avais dû choisir parmi un million de mamies, j'aurais choisi ma mamie, bien sûr. Faites du bruit pour mamie. Plus que ça pour mamie. Moi je veux la vie de mamie. Donc lève le bras pour mamie. Je bombe le torse pour mamie. Moi je veux la force de mamie. Laisse-moi rêver comme mamie. J'veux le CV de mamie. C'est pas avec un grand B. Surtout t'avises pas de flamber. Si tu vois que j'vise, vais te plomber. J'suis pas du genre à glander. J'ai appris à tomber sur un tatami orange. Et j'ai pas besoin de plan B. J'viens de la part de mamie Solange. Bien sûr. burn that shit. You see this shit right here? You see the board right here? I record from the board and I run to the mic. It's a pain in the ass sometimes, but I get this shit done. Look at my pad, nigga. Look at my pad. Window all boarded up. Who gives a fuck when you're working? Let's go to the kitchen. Cause everything is 150 with me. Fuck 100. Look at this shit right here. Kitchen funky as a motherfucker. But only thing I need is a path to go to eat, a path to go to the bathroom to shit, and a path to the motherfucking seat to go work. Work, my nigga, work. Une hormone au bruit des motifs. On a négligé le love. Pourtant dans le cœur baby j'ai de l'or. Mais courir après des gros bifs, c'est nocif. Ça fera tomber nos chiefs et ce malgré nos kiffs. Quand la communication ne passe plus, l'amour se casse. Plus de place dans le cœur pour l'envie, y'a pas d'astuce fils. J'ai vu la haine et la colère agripper l'injustice à pleine main. Quand la tristesse manquait d'espace, j'ai vu des rires provoquer des larmes. Et la joie provoquait des larmes de rire, vécu des fous rires sans le moindre crâne. Et vu des sourires disparaître en apprenant des drames. On a des motifs pour être émotif. Et je me motive, yeah, des motifs. On a des motifs pour être émotif. Une fois la colère m'a pris de court. Serais-je assez rapide même si je cours pour esquiver un errage, être estimé vénérable, être l'inspire d'une génération. Combien de fois l'espoir va me sauver quand la tristesse à ma porte viendra sonner. Quand la douceur fait des ratures, la douleur fait des ravages, un doute et tu peux sauter. Je suis lessivé de vous voir courir après les sous. Le soleil est gratuit mais toi tu veux payer les UV. Une grosse baraque, garage pour ton SUV. Tu t'es déraciné, tant pis si demain l'espèce est décimée. Mais faut décider si on veut juste réciter ce qu'on nous apprend. Vivre pour le pire ou mourir pour des idées. On fait qu'hésiter au lieu d'abolir notre cécité. On va se maudire et pas continuer de présider. La guerre, pas de pause dans mes 16. Le cul entre deux chaises, on fait les choses. Même si leurs clauses font qu'ils gardent le pèse. Nous on le fait pour la cause avec un cœur de braise. Mais faut plus causer, les exposer pour se mettre à l'aise. Oui c'est la merde, toujours les mêmes qui mordent. La poussière, toujours les mêmes qui perdent. Prenez la corde, on déplore tout ce qui peut déplaire. Car si on dort, on se fait passer sur le corps, ça c'est clair. Bien sûr qu'ils te laissent voter, tant que c'est eux qui gardent le veto. Ils ont volé, c'est pas des vélos. Ils ont le pouvoir des faisceaux, donc tu peux finir dans le fossé. Mais t'inquiète, Pélo, t'inquiète, on va s'épauler. On va les doser jusqu'à ce qu'il reste que des os. Ils boivent du rosé en bronzant, mais ils réalisent pas qu'on élargit nos réseaux. J'en ai plein le cul de voir des fesses, alors que je sais qu'il y a des corps de gosses dans des fosses. Ça te fait croire que t'es grosse pour un petit gramme de graisse. Où t'en presse, faut qu'on laisse bête leur messe avant que le moral baisse. Heureusement j'ai du monde qui m'aide, comme quand j'arrête la zeb ou que j'en ai plein le zop. C'est parce que je suis en mode respect de mon propre code, pour ça que j'étais sobre. La dernière fois quand je suis parti chez Seb, un peu comme Paul qui boit plus à l'appel. Bisous à Interpol, y'a plus de raison qui m'interpelle. Fini les jeux du bol, j'ai rangé ma coupelle. Je fais du sport avec ma belle, bientôt je fais la coupole. Ouais mais mec, c'est bon qu'on se moque et qu'on bloque. Faudrait fuck les partisans de la stratégie du choc. Ils font des chèques pendant qu'on fait du troc. Les jours où je me sens grec, j'ai comme des envies de glock dans leur bec. Un peu mieux ceux qui m'aiment. J'ai sondé la zone, y'en a beaucoup qui stressent et peu qui restent zen. Je dois faire ce que je prône, choisir entre ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et depuis que j'ai stoppé les cônes, je capte un peu plus fort à quel point ils nous kennent. Combien de fois on m'a dit lâche pas le chrome, tout ce que tu fais ça passe crème, t'es casse. Tous les jours je m'entraîne, mais je pourrais pas faire ça le cul sur un trône. Moi j'ai jamais voulu être le boss, mais les jours où le moral baisse, je me rappelle que mon rêve de gosse est réel comme la somme des sourires que je sème. Rose, casse-toi ma pose. Yeah, je la lâche à toute petite dose. Encore un freestyle pour ceux qui m'entourent, pour ceux qu'on enterre, pour quand le vent tourne, pour la nature et pour tous nos pères. Encore un freestyle à faire les tours du vent tout jusqu'à Nanterre. J'ai pas trop le temps de m'étendre et si tu m'entends tant mieux pour toi. Tous les trains je pourrais prendre et tenter d'être pour toi. Mais dis-moi pourquoi je devrais me tendre alors que toi tu ne cours pas. Je vois bien leur délire mais j'ai pas trop le même. Le dos crawl et j'aime pas trop, je vais pas courir pour aller choisir le moins pire et les lire, j'ai la flemme. Puis ce serait comme lui dire de me contrôler alors que je vois bien dans les trômes qu'il y a des doyens qui ont pas trop les moyens qu'ont les crocs. C'en est trop, toi tu grailles, hein, tu qu'es croc. Faut pas trop que t'oublies que dans le rétro, demain ça se peut que t'envoies, hein. Pour être franc, tu fais trop d'efforts pour t'affirmer, t'es trop laid, ta face est étrange et j'ai dû trop l'effort. Quand je t'ai dit que j'aimais pas trop les farces, alors qu'en vrai je rigolais tellement j'ai plus trop la force. J'ai pas trop les mots mais pour leurs conneries j'ai pas trop les codes. Ça me fait gaulerie, j'aime pas trop les modes. Allégo, ça me fait comme une allégorie. J'aime pas trop les gorilles, j'aime pas trop l'école. Encore un freestyle en forme d'aiguille sur le chrono, pour le temps que j'ai perdu à grogner. Tu vas rien gagner à cogner, cognon. Ni mon estime, ni le gros lot. J'ai dit j'ai pas trop le time. Je voulais qu'une info mais tu fais trop dans le détail. Et ça sonne faux bro, tu fais trop de paille. Je m'en fous que tu sois chaud bro, moi je me caille trop et là faut que je me taille. Je vais pas traîner, je suis entraîné au type traîné dans ton genre. J'en ai connu des petites traînées qui m'ont freiné. Pardon si tu voulais m'engrainer, mais je vais pas me laisser gangréner. Appelle ton grand frère qu'on puisse parler entraîné. J'ai pas toutes mes dents, j'ai dû oublier le danger quand j'ai mélangé la weed et le rhum arrangé. Puis j'ai pris la route et je m'en dégoûte au lieu du grand jeu. Un peu d'écoute et tout aurait changé. Encore un freestyle en forme de souvenir. Bien sûr vous pouvez tous venir. Y'a 10 ans de ça je faisais la même entrée, mais on peut tous dire à l'époque j'avais peur de m'ouvrir. Pas trop de mourir, un peu des belles filles. J'ai grave guéri, la plus jolie m'appelle Chika et what's up. Je regarde mon bonheur et je suis fier de WAM. Je l'ai construit tout seul et sans courir. Et puis des regrets j'en ai pas, malgré les rebiers dans les bars et les parties. L'idée a jamais germé de régler un refrain, t'en fais pas. Alors qu'avec des degrés au gré de pas dérégler, j'ai traîné dans les parcs. Accouché sous pression, tous mes poèmes vaudront jamais tous les totems. Tu crois que j'ai tous les atouts, moi j'ai pas trop l'impression. Avec la bonne compression, j'ai pas trouvé la solution à tous les problèmes. Jamais. Ah oui oui. Yeah, here we go, same lyrics again, motherfucker, yeah. I struggle every day to find a perfect healing. You need to find premises, but don't touch that face. Push the envelope, but a bit lower the decay. Chronic keeping all the suns in the right place. Struggle every day for the next thoughts in reality. I wonder if there's someone in this galaxy, but who cares? We're all distracted anyway. I hope we can manage it in the right way. Listen to my 4K next sounds unconditionally. Own visionary destination amplify. Music is my remedy. Crush bits to the beats. Conversation is my fucking enemy. C'est toujours les mêmes bifs, ta naine. J'suis sûr de rien et le doute, je l'aime, fils. Faudrait les menotter un peu comme Eiji sur la route de Memphis. Arrêtez de voter, c'est une comédie. C'est toujours les mêmes qui se démènent et toujours les mêmes qui nous poussent au même vice. J'voudrais les stopper, trop longtemps qu'ils nous promènent, qu'ils nous prennent pour des problèmes. C'est eux que mes poèmes visent. Les idées révolutionnaires se propagent comme la gangrène. Rien que ça engraine, tomber c'est pas si dur. La répression se dure si j'en ai la migraine. Pourtant je suis pas si taciturne et toi t'es pas si pur. Si, non sois pas si sûr. Vaut mieux que tu t'entraînes, sur toi t'as 6 grammes 6. En face de toi t'auras toujours les mêmes, avec la même rengaine. Tu veux du ferme ou du sursis? J'espère que t'es de ceux qui s'aiment, de ceux qui assument, ouais de ceux qui s'aiment. Pas de ceux qui se cachent le jeu. Toujours les mêmes qui gâchent le jeu. Je comprends pas, on est tous les mêmes. Le bonheur même celui qui clash. Le veut slash, le peu je te le dis cash. Hein? Qu'ils soient de ceux qui se lâchent ou de ceux qui flèment. Je serai toujours de ceux qui se lèvent, de ceux qui se tâchent quand ils saignent. Allume l'étincelle que je crache. Je crache, allume l'étincelle. Allume l'étincelle que je la tisse fort. On m'a dit t'es fortiche. Pour moi le rap c'est qu'un petit sport. Pas d'abdo le matin, je fais que des séances de rime. Façon, ça change pas la probabilité que je finisse mort. Je passe 3 semaines sur un 4. À côté je peux gratter un 16 en 10 minutes. Je suis pas sûr que tu captes. Je fais partie de ceux qui se donnent les chances de gagner pendant que tu jactes. Moi je mets des points pendant que toi t'étudies le score. Bouche en gueule. Mon son déclenche les portiques, tes gros poissons c'est des snorkies. Et je prends pas de leçon des corps qui quoi. T'as pas compris garçon des cortiques. J'en ai vu plus d'un jouer les hardissons, c'était même pas des cortiques. En clash vieux je te couche dessus. Allume la braise que je souffle dessus. Gage le peu car je le veux, le don de le faire on l'a pas tous reçu. Quoi que tu penses hein. Allume une enceinte et je crache le feu. Si t'avais pas compris l'enjeu. Je fais ça pour le sport, pour la muscu. Et des victoires dans ce jeu. Crois-moi j'en ai obtenu plus qu'une. Tout ça c'est du sport, de la boxe, de la muscu. Des victoires dans ce jeu j'en ai obtenu plus qu'une. C'est grâce à toi, que mon groove émerge. C'est grâce à vous si j'arrive à trouver l'énergie. J'ai des flots de qualité développés par des chimistes en laboratoire. Et mon nom dans les futurs livres d'histoire de l'art oratoire. Le mic ta Baggins, ce que l'allumette est obligatoire. Tu peux même utiliser mon texte en alibi pour ton prochain interrogatoire. Tu me voyais plus? Moi je crois plutôt que tu regardais pas. J'ai pas arrêté de rapper plus de 20 jours depuis plus de 20 ans. Trop longtemps que j'ai l'image du débutant. Ils ont même pas l'âge des dégâts collatéraux que je peux faire en les percutant pourtant. Je suis en tailleur, je regarde l'horizon qui s'illumine. J'essaie de faire en sorte que tu sautes pas d'une corniche. Nique les porcs, qui nique le décor. Je voudrais les égorger, les voir morts, leur corps flotter dans le port. Encore un qui me demande Bax, t'as tout mis? Je répondrai jamais oui, même s'ils disent que c'est fait des veulent. Et yo gamin, quand je te dis de m'appeler Takumi, c'est pas un surnom, c'est un level. Tout ça c'est du sport, de la muscu. De la muscu. Tout ça c'est du sport, de la boxe, de la muscu. Hey. C'est maîtrisé, c'est fin. Comme une mine aiguisée, quand faut que je bouffe, je sais viser, j'ai faim. Je défonce dans ce taf, ouais, j'ai dit je fonce dans le tas sans pour autant mépriser les fins. Je suis déguisé chez vous, entré par les enceintes pour briser des coups, poteaux tables enceintes. Je veux faire vibrer des foules, donc si tu captes pas, calme-toi pendant que je fais criser, c'est fou. Tête est écrite et vide, je fais triquer ses bites. Quand j'éclaire c'est puissant, je fais briquer les vitres et gicler les fils. Je suis déterminé puissant, sincèrement de rhum sec. Je parle des tripes et des flics. Fatigant d'espérer un monde idéal, qu'est-ce que c'est? Il rend illégal ce qui fait déstresser. Je peux encaisser, je risque pas d'acquiescer. Si t'as déjà respiré les gaz, je sais que tu sais ce que c'est. Bien sûr. Je me disais ça l'autre fois. Je suis pas très l'autofoot, vu qu'il y a toujours une autre voie. Je vais plutôt faire un autofit. Pardon monsieur le commissaire, pour ce que mes potes au foot, l'argent rentre pas comme il sort. Dépenser ça va trop trop vite. Quand tu l'entrevois, le réel est trop beau cogite. Fais pas comme autrefois, joue pas les trop glodites. Je veux pas une entre noire, je veux tout prendre de moi, payer 30 de moi. Pour être sûr que ma go profite, nique ça. Ça c'est des propos d'hommes qui paniquent. Un peu comme ceux qui trouvent ça très bien qu'on gouverne pas. Moi j'ai peur de rien, ça me concerne pas. J'étais déjà quelque part en train de rapper serein sur le Titanic. C'est pas l'euro qui m'attire, putain de roue qui martèle tes faces pourries. Si ton but c'est d'être Ricky Martin, moi je fais des raps qui bousillent la tête, je t'éclate pour rire. Yeux rouges comme le grand-père amorti. Toi tu ferais mieux de faire de la polka, tu captes pas. Tu crois chaud mais c'est pas le cas. Personne peut t'écouter sans parka. Tu gaves, gars, t'es louche comme une parodie de Kafka. Je claque tout, car l'inspi est partout. Dans les églises et les cartouches, dans les films et les cartoons, tu fais calmer. Je pourrais te calmer comme un calumet pour t'annuler. J'ai pas besoin de fusil ni de cartouche. Check ça, le pur son, je te prépare ça. Delicioso comme aïe persil. Je le fais comme personne, hyper simple, on s'en aperçoit. Tu rappes dans les rues de Barça. Je plane à Ciurana de Prades. Je pense à l'égalité des hommes. Le vent me caresse. J'oublie les quantités, les sommes. Ça y est, les images apparaissent. Qu'on ait la paresse. Ou la motive, on finit pareil. Comme le lion dans l'arène. Mort. Pour le bonheur, y'a pas de barème, te fous pas en l'air. Comme le saut de la reine mort, faut rester serein. On peut pas tout le temps rester serein. High, fait de plaisir. Tes bails là, c'est rien. T'es comme ton ennemi, tu pourrais die d'un coup de surin. On est les mêmes à l'intérieur. De la chair, une âme et du sang. Tu seras ni le pire, ni le meilleur, même si c'est puissant. De la chair, une larme et du son. Fiston, on est les mêmes à l'intérieur. Los mismos, soy baïsaman, je suis de l'espèce inférieure. De ceux qui tiennent la distance. Le gun en bouche et le cœur qui bat sous les cuissons. Par habitude on se fait des ennemis, alors qu'on met que des êtres humains dans la richesse ou la zermie. Par habitude on attend la haine, alors que la tristesse on l'esquive et la joie mais qu'on attend la même. T'as la vie rude, il a la belle vie. Son vécu tu l'as vu, tu l'as voulu, tu l'as toi-même dit. Parti du sol on s'attend qu'à perdre. Toucher le sommet, viser les sommes, ça vaut vraiment la peine. Allez, un petit dernier pour la route. Parce que je le fais toujours coûte que coûte. Après, faut que j'aille casser la croûte. J'ai dit un petit dernier, last one. Après, je vous dis bye bye. right time. Thanks Picho, thanks everybody. Thank you very much. And if you like what I'm doing, find me on the net. Same name, Bugs. Yes, I said funk, but anything groovy, I don't know. Thank you, Bomber. I'll put some links since you play something. Thanks, guys. Thanks a lot. Woo! Yeah, yeah, yeah. Woof, woof. Aujourd'hui je graille les restes d'hier, j'avais pas fini mon MC. Laisse-moi rapper comme je respire, je reste persuadé que ceux qui blessent le plus c'est ceux qui laissent le respect dans le vestiaire. Tu trouves que je devrais faire des textes qui vous inspirent? Selon toi, je devrais tester, te dire un peu moins que je suis le best, hein. Tu t'aimes jamais, moi toujours respire, investir sur soi-même, est-ce que c'est grotesque? Quand j'entends qu'il a pris des risques, je vois surtout qu'Elon s'engraisse de ce que la Grèce est triste. Qu'il fait des listes pour nous classer comme des espèces dans des bestiaires. Faut qu'on reste fier, qu'on résiste. Tant qu'on existe, on peut gravir des Everest ou partir jusqu'à Monte Cristo. Le jour où je me déteste, c'est que j'aurai retourné ma veste. Dans mon cœur, y'a peut-être pas des cristaux, mais presque. Trop longtemps qu'ils nous parlent de Christ, tonton. Faut qu'on se relève et qu'on détruise tout sa presse. Trop de temps gaspillé, faut qu'on se redresse. Pour nos aïeux qui, dans les temps ancestraux, resquirent. Et j'oublie pas ce qui est important, je garderai ma prestance quand le système voudra m'aspirer. Si je fais le million de Kowalski qui presse tout comme Prost, j'investis dans l'Oupas qui est sur un Bristol. J'ai noté quelques pistes, je repère ce qui se donne et nos names et les fils. Je mets de la distance avec l'époque des blisters, je suis pas contre un pistol, même si je suis un artiste. Et le labeur est fastidieux, faut pas que je reste assis. Maintenant tous les matins je me lève à 6. Et si ma cime touche les cieux grâce à des flots massifs, je sais que j'irai nulle part sans mes racines. Attends, je t'ai pas tout dit, j'ai capté ça tout petit. Je pratique le voyage temporel quand je sens l'odeur du patchouli. Des teubes dans ta teuche, attends un kachoumi, hein. Un peu comme Taba, Takashi ou Katsumi. Moi je garde l'envie de grailler des pages et d'éclater des micros. Fais pas carry, tes crames grave, dégage avec tes mythos. Joue pas les vitaux, décale, même tes gars tu les gardes. Y'a Capri qui cache qu'on peut capter, qui fait péter des câbles. Et parfois je trouve le parfum parfait comme ce qui se fait proche de Cannes. Et gros je te parie, quand texte ou en impro je te calme. Sérieux faut que je me calme, ils vont finir par croire que je suis un surhomme ou que je me calme. Jamais, toi tu t'es mis au thème, ça y est tu crois que tu t'aimes. C'était pas la même quand t'as tout mis. T'aurais mieux fait d'apprendre à tomber sur un tatami. Je suis mon propre animal totem depuis que je fais partie des Takumi. Takumi, Takumi, tu m'as dit Takumi, je fais partie des Takumi. Ça fait Takumi, Takumi, tu m'as dit Takumi, je fais partie des, je fais partie des, ah, Takumi, Takumi, tu m'as dit Takumi, je fais partie des Takumi. Ça fait Takumi, Takumi, tu m'as dit quoi? Ah, je fais partie des murs. Yeah. La luminosité envahit la pièce, l'énergie est folle. Un peu d'impro avant que je décolle. C'est assez de cette école que je viens, celle de la déconne, celle qui résonne dans tous les esprits, surtout le mien. Un peu de dépro avant que je décolle, c'est ça que j'ai pro. La lumière envahit la pièce, l'émotion me transperce, liquide comme envoyer les espèces. Pendant que le temps que tu laisses passe, blesse, tic-tac, je le traverse et l'embrasse. Je me suis condamné à zoner dans des rondes où les erreurs de l'homme et l'âge te contaminent. J'ai vécu la longueur des secondes, la rapidité des années comme si j'étais pas de ce monde. J'ai entendu des sages rapper, traiter de singes pendant que les vrais barges frappaient. J'ai construit ma propre arche ratée, rien de définitif à ces putains de marches ratées. J'ai vu des vrais, j'ai vu des faux se mélanger comme nitroglycérine. J'ai vu mes mirages craquer, prendre le virage, braquer. À l'heure où j'écris ces lignes, le vent surplombe ces larges cratères. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, dans le fond comme tout le monde, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rien d'original, je préfère les frères que les putes. Et je suis comme toi, le lendemain je réagis mal au verre que j'ai bu. J'ai pris le large, avec des spliffs beaucoup trop charge. J'ai fait de large, j'ai compris un peu tard que je devais faire de l'argent. Avec mon spleen et ce que j'explique entre les deux marges. Et j'ai trop marché, derrière moi-même oubliant que le principal c'est de se chercher. J'ai pris grave cher, l'âme c'est pas un truc qui se lave au car cher. Je disais je plane mais j'étais trop perché. J'écris libre, entre deux big bang, en creux de Chine, sur neige immaculée forme le yin yang. Tout niqué équilibre, ça dit, l'obscurité envahit la pièce. Liquide, ça parle aux ailes, les démons acquiescent. Les billets se maquillent en béquille pour tenir debout, joindre les deux bouts. Mais le serpent sort de sa coquille. À force de jouer les équilibristes, s'enfiler, ils nous appellent des récidivistes. À chaque spot publicitaire, je deviens plus pessimiste. Mon pote, crame ton poste, ces récidivistes. T'as cru pouvoir les feinter. Ils prévoyaient ça, ça fait 20 ans. Ils doivent être contents à la fin. T'es même plus surpris de croiser le Père Noël en hiver toute l'année pendant qu'ils fêtent le printemps. Mais j'en ai la foi, je vois l'humain agir, changement de cycle et résurrection. Quand je regarde au loin, quand je regarde bien l'avenir, j'y vois de nouvelles formes. forme d'insurrection. Je vois le peuple s'en mettre, s'organiser, je nous vois prendre nos marques et les faire baliser. Sans besoin du millimètre, en dessous du centimètre, à croire qu'on pourrait pendre un monarque. Mais plus important encore, le love est dans les cœurs malgré la haine. Dans les décors il me mène, on est d'accord et je l'aime de tout mon corps. Donc faire du son gore, non merci j'ai la flemme. Partout je suis comme le sel de la mer, jalousé comme le ciel de la terre. À bouger comme des vers de naguère, Biggie. L'amour est comme le nerf de la guerre, Biggie. J'arrive sourire esquissé pour faire glisser spiff et micro dans la main et tu sais qui c'est. B-A-W-G avec le S après l'apostrophe. L'apogée de ton apogée, c'est la pire de mes catastrophes. Cherche pas, déjà à l'époque du lycée, le cul vissé sur ma chaise avec l'envie de pisser. Des stylos, j'ai fini ces quarts des carnets. Je remplis ces gamins, capte tu qui tire les ficelles. Facile, je vais le hip hop à ma façon. Je suis pas une contrefaçon ni en infiltration. Et la question, c'est pas de savoir qui c'est que tu niques, mais bien de savoir qui c'est qui fait kiffer le public. Man, j'ai des lignes dingues, pour ça faut délivrer tous les styles. Et j'ai des rimes rien que pour ça, damn. Le petit gars te fait l'effet d'un gros con. J'ai l'appétit des dents d'un croco. Puis le beat et le gros flow pour ça bounce. Tu vas faire quoi face à la qualité? T'as pas idée de ce que je gratte pendant que tu ne fais que t'agiter. Je suis trop crade, commence à paniquer. Va t'abriter, ta vanité va palpiter. Je l'attise et mon ego crame. Grâce à mon niveau, j'écrase les rivaux, les schizos, les mythos par kilo. Gramme, j'grave Bilbo, si gros dans ton crâne que ton esprit canne aussitôt.